Bonsoir. C'est Radio Holiday. C'est au Recycla et sur le 105.4 FM. C'est chaque jeudi de 21h à 22h. Pas une deuxième chance, hein, c'est du direct. Hein. Bonjour, bonsoir, vous écoutez Radio Panique, vous êtes en direct du Recycla. Comme tous les jeudis de 21h à 22h, le concept ça s'appelle Radio Lee Days. Et on a réuni la fine crème de Radio Panique. Charlotte, Tamara, Sean et moi-même sommes là tous les jeudis, de 21h à 22h. Sur le 105.4 évidemment, sur radiopanique.org. Radio Holidays. Alors peut-être un petit tour de table rapidos. Donc on a Julien de Tortelli à ma gauche. Tamara, bonsoir. L'invité surprise de la journée, Sean de Surreal Sound. System, bonsoir. Et alors il y a Damien qui assure pour la régie technique. Puisque nous sommes retransmis en stream, c'est un studio mobile. Et c'est pas la première fois qu'on le sort, mais ce soir c'est un peu une première puisque c'est Radio Holidays, bien sûr. Donc on peut définir un peu l'émission comme une émission zéro aujourd'hui. On est en pleine expérimentation, les chroniques récurrentes qui reviendront chaque semaine. Ambiance plage, on tient à le préciser, comme vous le voyez ici, on a un bodyboard, une palme, un ballon, des lunettes de soleil. Des shorts pas trop, des chapeaux en paille, mais donc on peut déjà lancer un appel à alimenter cette espèce de bazar plagiste, hein, parce qu'on y croit, on est en été quand même. On y croit, malgré le temps qu'il fait, ouais, on y croit. Et du coup, on invite tous les gens qui nous écoutent sur le 105.4 ou sur internet à venir nous rejoindre le jeudi et ramener des objets de plage, des objets dont ils veulent se débarrasser sûrement. Le but est de faire un peu de concurrence à Bruxelles-les-Bains aussi. C'est voilà. Quelque part. C'est le but, c'est dire que le programmateur qui m'a engagé justement sur cette histoire de Radio Holidays dans l'idée de concurrencer Bruxelles-les-Bains. Alors, Recycler Holidays. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on fout là exactement là sur cette place du Recyclard? Moi, je me réveille. Attends, on est sous les rails d'un train qui passe au moins 8 fois par jour, si pas plus. C'est embouteillé, c'est saturé, c'est la jonction Nord-Midi. Et Recyclard est au milieu de tout ce bazar. Alors c'est notamment l'occasion de faire monter la pression autour de la voie ferroviaire et aussi de cet espace Recyclard qui profite de l'été pour s'implanter. Donc diverses rubriques qui viendront cette semaine, chaque semaine évidemment, on va essayer de faire suer les gens semaine après semaine. On peut déjà vous avertir qu'on va élire le plagiste de la semaine à la fin de l'émission, donc tenez-vous bien parce que n'importe qui d'entre vous pourrait être élu plagiste de la semaine, n'est-ce pas Julien ? Les critères sont à la fois physiques, intellectuels et surtout physionomiques. Tout à fait. Je ne sais pas si ça se dit physionomique, mais... Il y aura aussi le blind test, le blind tube de l'été. Chaque semaine, un tube de l'été à vous faire deviner. Et puis, bien entendu, les lovers du week-end, ceux qu'on va attendre ce soir et demain. Les invités surprises quelquefois. Et puis surtout, une présentation de cet événement sous les voies ferrées à Recyclard chaque jeudi et vendredi soir. Multifacette, hein, on y croit. Alors là, il y a Damien qui a déjà mis ses lunettes de soleil et qui est en train de bronzer complètement. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va recevoir nos premiers invités. On va recevoir nos premiers invités. Ce sont des boulangers, si j'ai bien compris. Ce sont des Polonais? Non, des boulangers. Des boulangers. Non. des boulangers du vinyle. Des boulangers du vinyle. Elle est belle. Ouais, on va accueillir les mecs de Don't Scratch It. Juste avant ça, on se met un petit jingle. Et on leur laisse un peu le temps de s'installer. Allez. Don't scratch. Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous voulez mon avis, il s'agit d'une bande organisée. Mais c'est une affaire très pointue, je t'assure. Don't scratch. Oh yeah. Alors, installation de micro, mise en place. What's happening les gars, vous pouvez vous installer si vous... Non, vous êtes bien debout? Non, on est bien debout là. Donc on vous présente rapidement, vous êtes Mathias et Tim, les deux initiateurs du projet Don't Scratch It. C'est un atelier qui aura lieu tous les jeudis, juste avant nous. Vous êtes une sorte de tremplin en fait, par rapport à nous. Tu sais parler le néerlandais là, parce que là j'étais pas compris, pardon. Je vais faire appel à un traducteur qui te mettra une petite oreillette et tout va bien se passer. Donc les gars, si vous pouvez nous présenter rapidement votre projet Don't Scratch It. J'ai entendu dire qu'il y avait des histoires de collectionneurs de vinyles. Eh ben, tous les jeudis, on a des collectionneurs de vinyles qui viennent présenter leur collection. Des gens qui n'ont pas l'habitude de mixer en live. Des gens qui d'habitude restent juste chez eux, enfermés dans leur cave, entourés de disques. On est allé les chasser, on les a gentiment demandé de venir mixer pour nous ici. Donc c'est des geeks du vinyle, mais ces gens viennent d'où exactement? C'est des Belges, vous avez visé l'Europe, vous avez visé le monde? On a visé la Belgique pour commencer. Ce sont des gens qui viennent un peu de partout, en Belgique. Pas nécessairement des Bruxellois. Et quel sera le ton là? Est-ce que tu peux un peu nous mettre l'eau à la bouche là? Parce que bon, qu'est-ce qu'on va entendre en fait comme son? Des sons plutôt vintage, des sons plutôt chauds? Vas-y. Ce qu'il y a, c'est qu'on laisse la liberté aux gens de choisir ce qu'ils viennent mixer. On a essayé d'éviter des gens avec des genres trop. Trop connu, laissons dire, on a évité d'avoir des gens qui jouent du soul, du funk et tout ça. Tantôt on a eu du americana, on a eu du vieux jazz. Des gens qui viennent jouer ce qu'eux ils aiment bien. Pas pour vous plaire, mais pour se plaire eux-mêmes en fait quoi. C'est un ego trip en fait. Un peu ça. Non, c'est pas un ego trip parce que ces gens-là ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas l'envie. Alors faut un peu les masser, faut un peu les demander de venir le faire et ça prend un peu de temps, mais bon, on les a ces gens-là quoi. Et justement vous, c'était quoi votre démarche? Comment vous les avez chopés ces gens-là? Vous les avez trouvés sur internet? C'est des connaissances de connaissances? On a mis des annonces dans des magasins de disques, des magasins de récup et tout ça, et c'est comme ça qu'on a atteint les 12 personnes qui vont venir mixer ici sur... Sur les holidays. 12, qu'est-ce que j'ai dit là? 12 personnes. 12 personnes, donc ça fait 2 par soir. Enfin, 2 tous les jeudis soirs. Tout à fait, là t'as bien fait le compte. J'ai une bonne note en mathématiques. Donc c'est des créneaux de 1 heure où en fait chaque collectionneur vient de 19h à 20h ou de 20h à 21h pour présenter ses vinyles. T'as bien compris le concept, tout à fait. Et est-ce que tu penses que c'est un peu un acte militant justement à l'époque du 2.0 et du digital de faire venir des gens qui ne mixent qu'avec des vinyles? Parce que c'est un peu une espèce en voie de disparition quand même, le vinyle. Enfin, est-ce que toi en tant que DJ tu penses que c'est une espèce en voie de disparition? Ça peut paraître rare, mais c'est pas du tout une espèce en disparition, faut juste savoir où le trouver. Bien, alors on peut déjà, je sais pas si... Je ne me souviens pas de ton prénom. Mathias, il s'appelle. Mathias. Enfin, parce qu'on va chaque semaine, on va faire venir le DJ ou les deux DJ qui Mais auront faut, joué. Faut pas les appeler DJ. Ce sont des collectionneurs de disques. Ce sont okay. Pas des DJ professionnels. Donc, on fera venir les collectionneurs pour qu'ils nous parlent d'un morceau fétiche de leur collection de vinyles. Donc tu peux déjà les prévenir qu'ils vont tous passer à la casserole de Radio Panique chaque jeudi. Tu la connais, la casserole? Sache-le. Hein. Tu la connais? Bah là-dessus, je vais rien dire. Donc, Don't Scratch It, ce sera un peu l'une des premières rubriques récurrentes de notre émission panichéenne Radio Holidays. Vous avez d'autres petites questions ou tout va bien? Les gars, si vous voulez rajouter un petit truc, Tim, qu'on n'a pas entendu, qui est l'autre initiateur de ce projet, si tu as quelque chose à dire. Tu m'as pas entendu parce que je t'entends pas non plus. En fait, j'écoutais Mathias, mais je te regardais. C'est... Mais bon, Mathias a bien expliqué le concept, donc on espère bien que les DJ, pas des DJ, des collectionneurs vont passer des disques très bien pour vous. Mais on est sûr qu'on a choisi des collectionneurs avec le cœur dans le bon endroit. Ok, bah merci beaucoup. On va se passer un petit son. Merci les gars de Don't Scratch It. Merci. Alors est-ce que ça commence à chauffer ou pas là? Parce qu'on va se la jouer un peu Sex on the Beach là ou quoi? Ils sont pas en maillot mais ils sont chauds. On va se passer un petit son et puis juste derrière une deuxième interview. On va choper quelqu'un. Alors, on sait pas encore qui mais on va le trouver. On va partir à la recherche de la deuxième personne. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey Radio Panique présente. Je te l'avais dit. Allez. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Viens. C'est Radio Holiday. Viens. Allez, viens. Viens. Allez, viens. Viens. Viens. Allez, viens. C'est chaque jeudi de 21h à 22h. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Viens. On est bien. Allez, viens. On est bien, bien, bien, bien, bien. Bien, enfin. Allez, viens. Cette eau recycla. Et sur le 105.4 FM. Allez, viens! Regarde tout ce qu'on peut faire! C'est génial, non? Allez, viens! Viens! Alors, moi ce matin, je suis allée au marché aux puces, place du jeu de balle, dans les Marolles. Et à 11h, sonnant l'église, j'ai cherché un homme avec une cagoule rouge. Et j'ai cherché parmi tous les brocanteurs, ceux qui vendent des mitrailles, ceux qui vendent des bracelets, ceux qui vendent des corbeilles, ceux qui vendent des disques. Enfin, non, pas des disques. Mais ça, qui était pas... cet homme? Mais j'ai cherché le catcheur des Marolles, parce que j'ai lu et annoncé dans le programme du Recyclard Holiday qu'il y avait un mec qui se baladait en tenue sportive avec un masque sur la tête, comme les catcheurs. Un vrai catcheur, quoi. Un vrai, quoi. Un type. Costaud, baraqué. Bah écoute. Son objectif, c'est pas de faire la lutte, c'est pas lucha libre sur la place des Marolles, c'est un truc un peu plus sophistiqué parce qu'il sort un appareil photo et il propose d'avoir un rendez-vous un peu mémorisé dans une photographie entre le catcheur et un habitant ou un riverain ou un brocanteur. Et puis moi, j'ai cherché pendant une heure, je suis restée à scruter et j'ai pas trouvé, quoi. Alors, est-ce que t'as su mettre la main sur quelqu'un qui pourrait nous parler du catcheur des Marolles? Ben écoute, là, en regardant tout à l'heure, j'ai vu un type qui avait un petit appareil photo numérique, un truc tout bête qu'on trouve assez répandu par-dessus la terre. Et en fait, je lui ai demandé s'il connaissait le catcheur des Marolles. Et vraisemblablement, il m'a dit qu'il l'avait rencontré hier à dîner. Et alors, je l'ai trouvé, je lui ai dit, allez, viens nous parler de lui, parce qu'on a un problème, quoi. On n'a pas chopé le catcheur, mais on a chopé un représentant, enfin un délégué ou un type qui le connaît, qui a dîné avec lui à la veille. Alors, qui es-tu, pas... représentant? Moi, je m'appelle Vincent et en fait, c'est mon voisin. En fait, je le connais juste parce que c'est mon voisin. Mais j'ai pas dîné avec lui du tout. Donc, vous avez des mauvaises informations, je pense. Bah, ça commence bien. Mais donc, qui est le catcheur des Marolles? J'ai vu qu'il avait voyagé, il a traîné au Mexique, à Moscou, en Chine. C'est un Mexicain qui habite maintenant dans les Marolles. Mais en fait, vous êtes super mal informé parce qu'en fait aussi, il se bat vraiment. Et les photos, c'est juste pour un peu promouvoir ses combats. Et donc, là, il a fait un petit tour de promotion sur le marché aux puces ce matin. Puis il a commencé à pleuvoir, mais comme il vient du Mexique, il a les os assez poreux. Et donc, il a dit, oh non, il pleut vraiment trop fort, je vais pas le faire aujourd'hui. Donc, il s'est dit qu'il allait le faire une autre fois, peut-être. Puis il a vu aussi qu'il y avait la foire du midi qui s'installait. Il s'est dit, ah, ça sera peut-être l'occasion de retourner à la foire du midi, faire une petite promotion pour son match qui a lieu en fait le 15 septembre. Où? À la gare du midi, devant à la plaine. Donc, il y a les marchands qui vont s'installer et lui, il y aura un espace spécial. Et en fait, il a appris qu'à Charleroi, il y a vraiment une grosse équipe de catch. Et il a contacté les gens du Carolo, quoi. Donc, il y aura un match Carolo-Bruxellois. Parce que lui, maintenant, il est considéré comme marolien. Donc, voilà. Et donc, pour l'instant, il se fait photographier avec des gens du quartier. Oui, c'est il fait un peu sa promotion parce qu'il sait qu'il va faire un match tout près. Il vient du Mexique, il n'est pas connu. Alors, il essaie d'avoir un peu des fans dans le quartier. Comme ça, quand il fera son match à la gare du Midi, il aura un peu des supporters. Sinon, c'est un peu tout seul. C'est un peu le procédé pour se faire connaître, en fait. C'est comme les élections, en fait. Ouais. Il faut faire un petit cadeau aux personnes et puis il vote pour toi. Et physiquement, visuellement, comment on peut le reconnaître? On se doute qu'il a pas ton physique puisque t'as pas un physique de catcheur. C'est un petit Rabelais, donc c'est un Mexicain assez bronzé, mais comme il a un masque rouge, beaucoup plus petit que toi. Ouais, il est très rapide. Et c'est sa spécialité, il est très rapide dans les jambes. Et voilà, il saute très haut aussi. Il peut sauter sur 1m80, donc il saute au-dessus des gens, c'est sa prise favorite. Et il étrangle avec les jambes, le coup des géants. Et est-ce qu'il t'a déjà parlé de l'art du catch? Non, c'est pris une vague. C'est quoi l'art du catch en fait, 2012? Parce que c'est quand même un art assez ancien, non? Moi je peux pas trop dire parce qu'il est pas fort. Enfin, moi je parle pas espagnol, donc moi j'ai juste vu un combat qu'il a fait. Donc si tu peux te dire ce qu'il a fait comme ça, parce que je l'ai vu, mais je communique très peu avec lui. À la boucherie, il commande des trucs, moi je commande des trucs, mais on parle pas trop. C'est juste que je sais que c'est un catcheur. J'ai fait une photo avec lui que j'ai mise sur mon frigo parce que j'aimais beaucoup la photo. Mais bon, j'ai vu ses combats et on communique visuellement en fait. Et quand est-ce qu'on peut le voir, alors, ce catcheur, là, pendant l'été, d'ici le 15 septembre, vu qu'il nous a déjà fait faux bon aujourd'hui? Ah, mais ça, si jamais il pleut, ça peut-être pas là de nouveau, mais il n'y a pas encore de date précise. On vous informera peut-être pour la semaine prochaine. Peut-être pour la semaine prochaine. Je vais m'entraîner d'ici là. Ouais, ouais. Okay. Et donc, un catcheur mexicain contre des Carolos, ça pourrait donner quoi, alors, au niveau spectacle du combat? Mais les Carolos, c'est leur spécialité, c'est qu'ils sont assez vieux. C'est des vieux catcheurs. Parce que c'était à l'époque, dans les années 70-80, c'était vraiment connu à Charleroi qu'il y avait des matchs de catch. Comme les combats de coq, c'était fort répandu dans la région. Et donc là, il reste quelques personnes qui combattent. C'est du côté de Couillet, c'est un coin de Charleroi où il y a vraiment un club de lutteurs catcheurs et qui ont été maintenant un peu repris par les Tchétchènes, et parce que beaucoup de Tchétchènes font de la lutte, et comme ils trouvent que le catch, la lutte est un peu tombée en désuétude, donc le catch est quelque chose qui est un peu porteur et financièrement c'est pas mal, donc ils se sont mis au catch. Donc il y a 2-3 jeunes Tchétchènes et le reste c'est 4-5 vieux Carolos qui leur apprennent les rudiments du catch. Et ils sont masqués comme notre Mexicain? Oui, ils sont masqués, ouais, ils sont chaque fois masqués. En tout cas, t'as l'air de bien t'y connaître pour un bête voisin du catcheur des Marolles. Ouais. T'as l'air de t'y connaître un peu en catch. Peut-être qu'on va suivre le truc un peu à la trace pendant ces 6 prochaines semaines. Exactement, à la trace. À la trace. On va se passer un petit son. On remercie notre ami de catcheur. Des Marolles. De nous avoir rejoint. C'est pas moi, le catcheur. Non, l'ami des catcheurs. Ah, l'ami du catcheur. L'ami du catch. Et on va se passer un petit son, et juste derrière on a un petit point météo parce que là apparemment ça commence à se couvrir. Thank you. prévisions météo. Les températures. Un grand soleil donc sur toute la métropole. Et maintenant, on ménage le suspense. Pour rien. -23 degrés, bon, jeudi alors, ça grimpe encore ? Vous écoutez Radio Panique sur le 105.4 ou sur internet www.radiopanique.org, où vous êtes peut-être face à nous en direct du Recyclard, en vivant et en direct, en public. Et c'est le point météo qui sera présenté quasi toutes les semaines. Pas sûr, hein. Peut-être, ça dépend. Par Charlotte. Charlotte, bah, point météo. Oui, parce que disons-le quand même, la météo dans cette contrée dans laquelle nous nous trouvons est un point extrêmement sensible. Surtout quand l'été dans les dates approche et qu'on l'attend avec impatience. Alors c'est quand même étrange. Enfin, moi en tout cas je regarde le ciel environ 20 fois par jour en me demandant ce qui va se passer. On est en été depuis on va dire 2 semaines plus ou moins. Alors je vois quand même qu'il y a des shorts, il y a des bras nus, il y a des débardeurs. Il y a quelques lunettes de soleil, je sens un peu de sueur déjà, mais quand on regarde le ciel quand même, on a du mal à y croire, hein, mine de rien. Donc, point météo, toujours est-il, parce que c'est important pour les recyclards holidays aussi de savoir quel temps il va faire, vu que c'est... Mais on y croit, mais c'est dans la tête en fait. Donc on est en été, c'est les recyclards holidays, ça va se passer en plein air. Et je dois dire qu'aujourd'hui, vers 7h du matin, il y avait quand même un très beau ciel bleu. Puis sont venus les nuages, puis sont venus la pluie, puis est venue la chaleur. Et puis, comme par hasard, vers 19h, quand l'heure de départ du recyclard du jeudi, il a commencé à pleuvoir. Il y a même eu de l'orage à 5h. Il y a même eu de l'orage, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le point météo d'aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que si on regarde les prévisions... Ce week-end, il y a un gros nuage avec un éclair et quand même des températures entre 15 et 21 degrés. Mais bon, on est quand même en mode été. Alors, quoi dire d'autre, mon cher Tortoli, au niveau de la température ambiante ? On a un nageur juste à côté de nous avec une chemise. Alors, je ne sais pas si elle est africaine ou hawaïenne. Entre les deux, je pense. Entre les deux. On a un coupeur de blé avec un chapeau de paille. Du sucre de canne, un coupeur de sucre de canne, moi je dirais plutôt. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un bon présage pour ce week-end. Même s'il est censé faire gris, il fera chaud. Et donc, demain soir, sur le son de Philostein ou Hassan K, à mon avis, il y aura moyen de partir en transe sud-saharienne. On y croit. Voilà, c'est tout. C'était le point météo du jour. C'est une improvisation totale. Et on verra comment ça se passera chaque semaine. C'était super. Voilà. Merci. Je n'entends pas bien ce qui se dit dans le public. Voilà. Alors, puisqu'on est en été, on va passer alors à la grande rubrique de l'émission hebdomadaire. C'est quand même le blind tube de l'été. Test. Mais avant ça, un petit jingle. Allez! C'est ça? Allez! C'est Radio Holiday, c'est Radio Panique. Mes amis! Allez! Il n'y a pas une deuxième chance, hein, c'est du direct. Hein. Allez! Alors, le blind tube test, qu'est-ce que c'est? On peut peut-être expliquer un petit peu le concept. C'est une chronique qui reviendra toutes les semaines. Toutes les semaines, l'un des membres de Radio Panique présent sur ce plateau choisira, ou aura choisi déjà peut-être depuis des semaines, un tube de l'été qui selon lui représente des son choses. Son été quoi. Son été. Il rappelle un Summer of Love quoi. En ouais, gros. Voilà. Plus ou moins, voilà. Toujours est-il que... Et on a une belle brochette de Panichéens ici. Il y a quand même Damien de La Tentative, il y a Marquand de La 8, il y a Sean de Sur It Sound, il y a Fred Peters de Panique sur la ville. Donc vous allez tous y passer, vous allez tous devoir passer votre tube de l'été, mais surtout le public, vous êtes profondément impliqués dans ce concours. Hein. Ok. Donc aujourd'hui, c'est Tortelli qui s'y colle. Alors aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Et la règle du jeu, c'est quand même de deviner d'où le titre ou la chanteur ou l'interprète de ce sensible morceau émotionnel et tout. Et si vous le trouvez, approchez-vous des micros et à ce moment-là, vous aurez un bonus extraordinaire qu'on ne veut pas révéler tout de suite. Mais n'hésitez pas à venir nombreux la semaine prochaine pour concurrencer un peu le blind tube tester de l'été. Un petit extrait. Et le premier qui trouve. Viens derrière le micro. Yeah. Ah. Allez, on fait plus. Reviens dans un style différent. Ah. Apparemment, on aurait trouvé un gagnant. Tu peux venir. Alliance Ethnique, je suis son porte-parole. C'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est lui. Il n'a pas de bouche, il ne peut pas parler. C'est tu as ça. Gagné le droit de mettre les super lunettes du gagnant du jour et tu vas t'asseoir avec nous. Allez. Ah bah si, une minute. Tu peux t'asseoir avec nous. Alors effectivement, le tube de l'été selon moi-même, c'était Alliance Ethnique, No Limits. Mais c'est pas de moi. C'est... Non, ça n'est pas de toi, mais tu es son porte-parole. Il est derrière. Tu gagnes quand même des lunettes, ce qui est pas mal. Enfin, pas définitivement, provisoirement. Tu nous les rendras à la fin. Elles sont à la taille de mon nez. C'est vrai que les lunettes sont énormes. Yes. C'est vrai. Donc voilà, Alliance Ethnique, No Limits, on s'écoute un peu ça. C'était en quelle année? Alors, deuxième call. 87, 87. Non, c'était 99. Non. Hola, quoi? Mel Caro, voilà. Balayant tel un ouragan, chaque fera. L'alliance en tournée, stop sur une chope là. Stop pour une reste, donc stop, on s'arrête là. Muchacha, mira, l'ombre qui vient là. Petit à petit, so step by step. Plus de monde, t'es donc plus de bombes. Plus de gens sur une traque qui gronde. Et puis t'es qui toi, t'es qui là? J'bois pas, j'fume pas, j'kiffe Cuba. Mais le cigare, je smoke pas. Révolutionnaire, reste toi, appelle-moi Che. Pas de limite, la preuve écoute ça. J'ai plus de style qu'une diva au Brésil. Mon flow frappe fort comme la frappe de Ronaldo. Malgré sa go, j'kiffe Rio. Étoile 51 solo, Porto Rico. Loin de Porto Vecchio, Porto Rico. Directo, Santo Domingo, fiesta, go-go. Alliance kiffe ça, absorbe ça. Pro du clan d'eau, pro du style, fista fista. Quiero bailar contigo, baila conmigo. No limit, yo. Quiero bailar contigo, baila conmigo. Limits, yo. Et on dit quoi? Fab comeback. Yeah, yeah. C'est comme ça et pas autrement. Yes. Todos. Yeah, yo. Donc c'était l'alliance une fois de plus, encore rien que pour toi. Salsa. Hola, estamos en Colombia y desde aquí escuchamos Radio Panic. Sí, traducción. Nous sommes ici de la Colombie et nous écoutons le Radio Panic. Gracias. Radio Panic. Alors, monsieur le winner de la semaine. Oui. Est-ce oui. que tu aurais un mot à dire? Déjà, qu'est-ce que tu fais ici? Alors, je connais pas du tout Alliance Ethnique. Mais pas du tout. Moi, je suis le porte-parole. Bah, c'est très bien. De quelqu'un, vous savez, quand quelqu'un il crie et on fait le malin, on vient devant. Mais moi, je suis monstre mal à l'aise ici. Mais t'inquiète pas. Je sais pas ce que je fais là. Mais je peux me mettre à poil. Mais c'est simple et funky hein, ici. Tu hein, peux te mettre c'est à poil. C'est simple et funky, hein, t'inquiète. Donc, du coup, moi je te demandais hors micro ce que cette musique de Alliance Ethnique, est-ce que ça te donnait envie de. Moi j'adore la musique. Moi j'ai la patte qui tremble quand j'entends Alliance Ethnique. J'ai la patte qui tremble. J'adore danser moi. J'adore danser. Alors, la t'es musique venu... c'est ma vie. Vous allez me voir danser après sûrement. Donc t'es venu pour danser en fait. Si tu viens au Recycler Holiday, c'est pour danser et swinguer et. Panique. Oui, j'ai pas compris ta question. Si tu viens ici, c'est pour danser et vibrer de la patte, comme tu dis, ou danser oui, de la patte. De la patte. Oui, oui, voilà. Vivre de la patte. Non mais c'est horrible ce qui m'arrive, je déteste, je fais quoi ici moi. Bah voilà, c'est une première expérience radiophonique, c'était un baptême. Et merci, bravo. J'adore ce que vous faites, merci. Et bah merci à toi en tout cas. Merci à toi, tu peux revenir tous les jeudis, on est là entre 21h et 22h. Merci et beaucoup. Là, maintenant, tout de suite, ça va être le moment de parler de ce week-end et du son qui va venir avec Bram, un personnage de Recyclard. L'homme qui a toujours voulu devenir directeur artistique. Radio Panique présente. Holidays Night Fever. Je sens la moutarde qui me monte. Je sens la moutarde qui me monte, je te raconte pas la moutarde. Effectivement, la moutarde monte ici au Recyclard. Vous écoutez Radio Panique sur le 105.4, c'est les Radio Holidays. On est là en direct du festival Radio. On est en direct Recyclard, du festival Holidays. Recyclard, pardon. Quand tout se mélange. C'est la bière qui prend le dessus. Et donc ça va être la dernière rubrique récurrente puisque les 15 dernières minutes seront dédiées à un peu annoncer, puisqu'il faut faire de la pub aussi hein, quand même, on est là pour ça, pour ce qui va se passer le vendredi soir. À chaque fois c'est le pic des Recyclard Holidays, on pourrait le dire. Et ce qui va se passer aussi après, musicalement évidemment. Et aussi ce qui va se passer maintenant dans un quart d'heure, 20 minutes au niveau musical. Alors Julien, Tamara, enfin allez-y. Et Bram, donc. Bonsoir. Donc voilà, on est en compagnie de Bram. Bonsoir. Qui Bram, est Bram d'abord? Qui es-tu? Bah, je suis un simple collaborateur de Recyclard, en fait, comme tout le monde. Moi je suis responsable de communication et promotion. Bon. Très bien. Et donc, est-ce que tu es complètement étranger à la programmation de ces Holidays ou aurais-tu une petite patte sur ce programme? Bah, j'aime bien le programme, donc comme toi aussi, j'imagine, parce qu'il va tourner, il va mettre quelques morceaux après. Et ouais, demain, donc voilà, la première soirée club à l'intérieur, donc pas à l'extérieur. Avec 5 actes, un DJ d'Espagne, Ian Dinanina, puis un concert live de Bombino, du rock Touareg de Niger, qui a joué aussi à l'ancien Belgique avant, et au Cactus Club, donc il a déjà fait un petit tournée en Europe. Et j'ai cru comprendre que c'était son seul concert en Belgique. Le seul. Hein. Unique concert en Belgique. Comme vous voulez, en France ils disent unique, à Bruxelles ils disent seul. C'est pour ça que j'ai joué sur la dualité. Donc le seul concert en Belgique, mesdames, messieurs, demain soir, Bombino à minuit. Et après, donc, encore 3 actes. Tu sais lequel tu veux? Ouais. Il y a Philostein, Asanka et le dernier, Group 16 Beats. On peut peut-être causer un des trois, comme tu veux. Pardon? On peut parler d'un des trois, ton préféré. Celui que t'attends le plus? Philostein a joué l'année passée. Il vient maintenant avec... une chanteuse indonésienne, Nova. Ouais. Hassanka, c'est un Français avec des roots, des racines iraniennes. Et Group 16 Beats, c'est un Turc, donc un beatmaker d'Istanbul qui vient de sortir un premier disque où il a remixé en fait les samples de la rock turque psychédélique des années 60-70 dans une façon hip-hop. Et voilà. On peut se passer justement un petit son de, d'un des trois, au choix, vas-y. Ta carte blanche. Groupe 16 bits. Groupe 16 bits, ok. On va se passer le son qui s'appelle Bir Zamanlar, dont tu vas nous faire la traduction. Répète ça encore. Bir Zamanlar. Ok. Pas de traduction ? Mon turc n'est pas si bien que le tien en fait. C'est vrai. Allez, on s'écoute ça. Groupe 16 bits. Radio Panique. Qu'est-ce qu'ils ont contre le jambon ? Un jour on l'aura dans l'oignon. C'est chaque jeudi de 21h à 22h. Dans l'oignon. Bon alors, voilà, on vient d'écouter Groupe 16 bits. Donc demain, ça va être quand même assez... Alors, comment tu définirais la soirée de demain ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des thématiques chaque vendredi. Demain, il y a quand même clairement un ton, quoi, entre Philostein, qui fait du... de la musique arabisante, mutante, hip-hopisante, Hassan K, je ne connais pas, groupe 16 bits non plus, mais ça va être quand même... Ouais, va falloir faire de la danse du ventre, quoi, demain ou... Toi, tu peux, ouais. Toi, tu peux, certainement. Moi, non... moi, mais bon. Moi je peux. Julien, oui, toi certainement. Mais oui, il y a un fil un peu arabe, quelque part, Moyen-Orient, d'un côté, de l'autre côté, ouais. L'autre côté aussi avec Bambino, c'est de la musique touareg, donc ils ne sont pas vraiment des Arabes, c'est un peuple nomade, mais il y a quand même des influences, nord du Niger, nord du Mali, etc. Et oui, c'est un peu le clash entre le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient, par la Turquie. Un clash musical, bien sûr. Ouais. Un clash de ventre. Et donc, tu disais qu'il y avait quelque chose de spécial qui allait se passer demain ? Ouais, certainement. Donc, je conseille à tout le monde présent, même, d'aller voir juste à côté, au numéro 17, chez nos amis finlandais. Ils sont un peu cachés derrière l'écran, mais il y a un petit expo de 8 artistes finlandais qui exposent ensemble. Et demain soir, ils invitent un artiste hollandais, parce que la fille qui organise l'expo, elle habite à Rotterdam. Et elle invite un artiste hollandais qui va installer un genre d'attraction, comme à la foire Tu pêches des canards dans l'eau. Ils sont numérotés, certains numéros correspondent à une œuvre d'art. Et pour 2 euros, peut-être tu gagnes une œuvre d'art. Voilà. Pour 2 euros, c'est 2 euros, Julien. Ouais. C'est le prix. Je suis sûr que tu vas être le premier pêcheur. 2 euros, c'est le prix de la participation pour. C'est pour le plaisir de pêcher. Bien sûr. D'abord, le plaisir de pêcher. Peut-on manger ces canards ? Non, c'est plastique. C'est plastique. Tu vois les petits trucs jaunes ? Ah oui, d'accord. Ouais. Dans ton baignoire. Et ceux-là, ils ont une boucle pour que la canne puisse. Voilà, si la dextérité du pêcheur est suffisante. Ouais, tu pêches pas à la main, tu pêches avec un. Comment ça s'appelle ? Une canne. Un canard et une canne. Yeah. Et alors, ça c'est demain, c'est fin de journée, début de soirée ? Non, c'est demain soir. Demain soir. Ouais. Avant les super concerts à l'intérieur du. Exactement, ouais. Et ce soir, en fait, il y a deux événements. L'un qui est lié à la présence d'un chanteur populaire alternatif militant du pays d'ailleurs, là, de France, et un film sur Amadou et Mariam. Et puis il y a un concert. Tu peux nous parler pourquoi vous avez fait ces choix assez différents, un film très sur l'Afrique noire, tout ça, et puis un concert de Belgique, de fanfare. Ouais, là, il n'y a pas de lien. Il ne faut pas chercher. Non. Il n'y a pas toujours un lien. Ça, c'est... ça peut être une obsession, trouver des liens, mais non, il n'y en a pas. Donc il y a juste le film tout à l'heure, donc les gens à la maison qui écoutent et qui s'en foutent du ton, ils peuvent venir. Nous on a bien couvert, il fait pas très froid non plus, n'est-ce pas ? Parce que vous êtes en maillot de bain et tout ça. Exactement. Donc on va projeter un film sur Amadou et Mariam et leur collaboration avec Manu Chao. Et après il y aura un concert dans le bar de TMT, un petit trio qui joue des rythmes drum and bass, mais à la façon fanfare. Donc voilà. Ça, c'est le programme pour ce soir. Donc, Bon, en tout cas, je trouve qu'on parle beaucoup. Ce serait pas mal d'écouter un dernier morceau, voire deux. Mais en tout cas, Philostyne ou Asanka, peut-être. On peut laisser choisir notre invité. Bien sûr. Philostyne. Hein. Ah, on s'en doutait. Hein. Ça s'appelle Hypnotico Philostyne. Et c'est demain, à partir de 23h30, dans la grande salle. Il vous en coûte 5 euros. 5 euros, ça n'est rien. C'est rien. Hein. C'est quoi 5 euros ? Le prix d'une bière. De bienvenue. We'll be right back. pense que vous exercez un métier bien agréable. Mais ne croyez pas qu'il n'y ait pas d'ennui lorsqu'on est entrepreneur de bain de mer à la lame, figurez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre métier, nous plagistes. Vous êtes une entrepreneuse de bain de mer à la lame. Oui. C'est charmant. Ça fait plus officiel quand même. C'est joli. Ça fait moins vacances. Et alors, pourquoi est-ce que c'est tellement difficile? On met des pliants par terre, on arrange des fleurs. Vous croyez cela? Bien sûr. C'est l'opinion qu'ont beaucoup de personnes qui viennent au mois d'août en vacances, au mois de juillet. Mais commençant à ouvrir une plage au mois de mars, parfois nous avons des ennuis terribles, inimaginables. Inimaginables. Mais je suis sur 4. Ok. Alors, il nous reste 2 minutes et 45 secondes pour élire quand même une partie incontournable de l'émission, c'est le plagiste de la semaine. Donc, c'est quoi le concept du plagiste de la semaine? On élit le plagiste de la semaine et qu'est-ce qui se passe? Alors, le plagiste de la semaine, c'est la personnalité, la personne qui aura marqué pendant une heure cette émission. Ça peut être une personne à la fois visuellement, à la fois dans ses paroles, c'est peut-être un invité. On s'est concerté, nous, animateurs, on s'est concerté durant la dernière seconde. Et donc il faut savoir que le plagiste élu, il peut soit repartir avec un lot, soit il gagne le droit de participer à la dernière émission, à la prochaine émission de la semaine prochaine. Donc qu'est-ce qu'on a élu? Alors. Voilà, il s'est levé tout seul en fait, le plagiste de la semaine, il vient de se lever tout seul en fait. Je suis pas sûr qu'il s'en rende compte en fait. En fait, il vient de se manifester par lui-même. Donc c'est qui? Si daigne à venir. Il met son bras en l'air là, il a les cheveux crôlés. Il reçoit une palme. Il reçoit une palme. Et une vraie palme, hein, caoutchouc et tout, hein, 32, pointure 32. Donc super voilà le plagiste de la semaine, c'est vous monsieur. C'est Mister Surreal Sound System. Vous recevez la palme. La palme. C'est assez prestigieux hein, dans le sud de la France. Voilà, en gros, il a l'air d'en avoir un peu rien à secouer, c'est un plagiste. Toujours est-il que toutes les semaines, on fera ça. Il y aura l'élection du meilleur, du plus beau plagiste de la semaine de Radio Holidays. Voilà. Merci Tantoli à Bartek. Les gens n'en ont plus rien à foutre, vu que c'est le moment de passer à Amadou et Marianne. Mariam. Je sais pas. C'est fini pour aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est la première tentative de Radio Holidays. De Tantoli à Bartek. Radio Holidays. Donc c'est Radio Holidays, on est là tous les jeudis de 21h à 22h. On a peut-être une dernière petite réaction du plagiste de la semaine. Oui, alors ce n'est pas moi, c'est monsieur avec son parapluie, je vous le dis depuis 10 minutes. Monsieur, vous avez gagné la palme. Bonjour. Voilà, c'était une réaction. Je suis super content d'être le plagiste de la semaine, merci. Mais si tu veux, si tu veux, tu peux venir participer à l'émission avec nous la semaine prochaine. Je vais penser à ça, ça c'est un grand honneur, mais c'est clair. Ça, c'est fantastique. On va te reconnaître. Hein, merci, c'est un plaisir. Eh bien, merci à toi, plagiste, et également merci à vous tous qui nous avez suivis. Mais de rien. Vous étiez sur Internet, vous étiez au Recyclard. Vous écoutiez peut-être même Radio Panique. Vous étiez écoutiez peut-être Radio Panique. Toujours est-il que là, c'est le Festival Holidays et tout de suite, le film Amadou et Mariam. Nous, on se quitte avec un générique de fin. Notre générique de fin, comme toutes les semaines, ça sera Mongo Jerry Summertime. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci.